nibigira. Innocent Bibonima, nation la mise en onde. Merci à vous tous, auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. La toute dernière qui vous est parlée au mois de mars 2020, d'abord l'essentiel. Le Burundi est le premier pays de la communauté est-africaine en ce qui est de l'alphabétisation. Il a été classé par l'Organisation mondiale des statistiques World Population Review, vous l'entendrez dans cette édition. Et dans la suite de la lecture du code électoral, aujourd'hui, l'on va vous rappeler l'organisation des élections présidentielles des députés et communales. Et en province Gitega, on rapporte plus de 2500 cas d'abandon scolaire. Et vous aurez également droit à la chronique santé comme à l'accoutumée tous les mardis. Et aujourd'hui, on va vous parler du coronavirus. Voilà pour l'essentiel. Oh bonjour, je vous le disais tout à l'heure, le code électoral prévoit les élections présidentielles des députés et communales qui se passent dans une seule journée et se fait par bulletin unique comprenant les symboles et les emblèmes de tous les candidats en compétition. La commission électorale indépendante CENI est l'organe chargé de la supervision en collaboration avec ses démembrements au niveau communal et provincial. À chaque niveau, l'article 38 indique que les observateurs sont nommés dans le souci de garantir la neutralité politique et l'équilibre ethnique et du genre. Charles Makoto. L'article 38 du code montre qu'en cas de non-respect du principe de la neutralité politique, des équilibres ethniques et du genre, toute personne, y compris les représentants des partis politiques, peuvent le contester auprès du président de la commission électorale indépendante au niveau directement supérieur. Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Ces derniers doivent assurer le secret de vote, comme le précise l'article 39 du même code. Le vote se fait dans plusieurs urnes selon le type de scrutin dont le modèle et l'emplacement sont déterminés par la commission électorale nationale indépendante. L'article 40 revient sur la composition d'un bureau électoral qui est composé d'un président et de quatre membres désignés pour chaque bureau de vote par la commission électorale communale indépendante parmi les électeurs inscrits au rôle du dit bureau dans le respect des équilibres politiques, ethniques et du genre. L'article 41 dit que chaque candidat a le droit de contrôler l'ensemble des opérations électorales, y compris la vérification de la qualité et de la quantité du matériel de vote depuis l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement. Cet article montre que ce contrôle s'exerce par des mandataires désignés à cet effet par chaque parti politique, coalition de partis politiques ou chaque candidat indépendant. Ces derniers sont munis d'une carte d'accréditation délivrée par la commission électorale provinciale indépendante plus ou moins 48 heures avant le scrutin. L'article 42 indique de son côté que la présence des mandataires des partis politiques, des coalitions des partis politiques et des candidats indépendants est obligatoire et permanente sur tous les bureaux de vote depuis l'ouverture du scrutin jusqu'à la signature du procès-verbal des opérations de vote et des résultats. Dans notre prochaine édition, nous reviendrons sur ce que dit le code électoral en matière de déroulement des opérations de vote. Merci Charles Makoto. Éducation à présent, le Burundi occupe la première place dans les pays de la communauté est-africaine en matière d'alphabétisation avec plus de 85% selon le rapport de World Population Review, tandis que le Rwanda occupe la dernière place. Au niveau africain, la Guinée équatoriale vient en première position avec plus de 95%. Et au rang mondial, la Corée du Nord occupe la première place avec 100%. Tandis que le Niger prend la dernière place avec plus de 19%. Les détails avec Adrien Dimurukundo. Dans ce rapport de World Population Review en rapport avec les statistiques, l'on constate que sur le continent africain, la Guinée équatoriale vient en premier lieu en ce qui est du taux d'alphabétisation avec 95,3% au moment où le Niger vient en dernier lieu tant en Afrique qu'au niveau international avec 19,1%. Au niveau de la communauté est-africaine, le Burundi occupe la première place sur un taux d'alphabétisation de 85,6%, suivi du Kenya avec 78% comme contenu dans ce rapport. Le Rwanda, quant à lui, occupe la dernière place avec un taux de 70,5%. Dans l'ensemble, selon toujours le rapport de World Population Review en 2020, le taux d'alphabétisation au niveau mondial est élevé. Pour tous les hommes et femmes âgés d'au moins 15 ans, il est de 86,3%. Les hommes atteignent un taux de 90%, tandis que les femmes sont à 82,7% seulement. Néanmoins, selon ce rapport, le taux d'alphabétisation est très faible dans certains pays pour les personnes ayant 15 ans et plus, tandis que dans les pays développés, dans leur ensemble, il est de 99,2%. La plupart des adultes analphabètes vivent en Asie du Sud, en Asie occidentale et en Afrique subsaharienne, comme le Burkina Faso qui a un taux de 36%. Sur tous les adultes analphabètes dans le monde, près de 2/3 sont des femmes. Au niveau mondial, la République populaire démocratique de Corée du Nord bat le record avec le taux d'alphabétisation estimé à 100%. Il est suivi par la Lettonie, qui est le deuxième pays le plus alphabétisé avec un taux de 99,9%. Et enfin, vient le Niger, occupant la dernière place avec un taux de 19,1%. Merci Adrien. Tant qu'on parle d'éducation, cette fois-ci, éducation des élèves ou plus de 2500 élèves de l'école fondamentale et du poste fondamental confondus ont abandonné l'école au cours du premier trimestre de cette année scolaire 2019-2020 dans la province scolaire de Mouramvia selon le conseiller pédagogique à la direction provinciale de l'éducation. De la formation technique et professionnelle à Mouramvia, cet effectif est élevé. Il précise que l'une des causes de ces cas d'abandon et la pauvreté chez certains parents de Mouramvia. Nous appelons Gérard Nibigira Sepa à Gitega, comme je l'avais annoncé en titre. Les statistiques fournies par le conseiller pédagogique à la direction provinciale de l'éducation de la formation technique et professionnelle à Mouramvia montrent qu'au cours du premier trimestre de cette année scolaire 2019-2020, 2343 élèves de l'école fondamentale ont abandonné l'école sur un effectif total de 106 427 élèves, soit 2,2%. En outre, 192 élèves du poste fondamental ont abandonné l'école sur un effectif total de 10 338 élèves, soit un taux d'abandon scolaire de 1,8%. Benjamin Dagijimana indique que ce taux est très élevé du moment qu'aucun élève ne devrait abandonner l'école. Et entre autres causes principales de ces abandons scolaires, il parle de la pauvreté de certains parents. Il parle aussi des cas d'élèves qui ont la soif d'avoir de l'argent trop tôt. Ainsi explique-t-il, dans la zone Bugarama de la commune Mouramvia, il s'observe des enfants qui devraient être à l'école, mais qui grille, brochette et maïs et porte des fruits et légumes à vendre aux passagers allant ou venant de la ville de Bujumbura à bord de véhicules. Et beaucoup d'enfants qui abandonnent l'école en commune Bukeye s'occupent de la fabrication des briques cuites. Benjamin Dagijimana promet néanmoins de continuer à sensibiliser parents et élèves, quitte à éradiquer les cas d'abandon scolaire, et demande la contribution de l'administration à la matière. À propos, le gouverneur de la province Mouramvia, Laurent Nichimbeche, fait savoir que cela est un travail de routine qui s'appuie d'ailleurs sur le comité provincial de l'éducation. Depuis Mouramvia, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Après une courte pause, page justice au rendez-vous. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Justice, comme je vous l'annonçais, un jeune étudiant dans l'une des universités de Muyinga est en détention depuis ce lundi, accusé d'être auteur d'une fausse information diffusée sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Des sources au parquet précisent qu'il est poursuivi pour atteinte au dépositaire de l'autorité pour avoir monté une fausse information dans laquelle il cite certains responsables administratifs et policiers. Certains de ses voisins signalent que le jeune est passionné du métier de journalisme et a plutôt fait des enregistrements audio imitant des journalistes professionnels. Les détails avec Dieudonné Nzeyimana. À l'origine de l'arrestation d'un étudiant, une information imaginée et signée par le jeune, laquelle information circule sur les réseaux sociaux faisant état d'un pasteur féticheur arrêté par les autorités administratives et policières en commune Guitérani. Dans un enregistrement, le jeune étudiant, prétendu journaliste, présente les faits comme actualité de la semaine, information démentie sur le compte Twitter de la province Muyinga. Le parquet saisi à cet effet annonce que le détenu a porté atteinte aux détenteurs de l'autorité comme le gouverneur cité dans la fausse information, infraction prévue par le code pénal burundais. Des voisins du jeune homme le prennent pour amateur du journalisme avec l'habitude de faire des enregistrements audio sur différents sujets mais qui a dérapé. Les autorités invitent la population à faire usage responsable des réseaux sociaux. Il y a un mois, une femme de cette même ville est passée par la prison après que la photo montrant sa nudité a circulé sur Facebook. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Environnement à présent, certains habitants du quartier Guissio de la zone Kanyosh en commune urbaine de Mora craignent pour leur sécurité et leur santé. Suite au ravin qui s'élargit progressivement, ces habitants disent qu'à part l'écroulement des maisons, le cimetière se trouvant dans ce quartier est menacé par ce ravin et quelques tombes sont déjà ouvertes. Ils demandent à l'État de tout faire pour protéger les infrastructures publiques et privées environnantes de ce ravin. Le point avec Ezekiel Ndikumwenayo. Ce ravin que la population de cette localité qualifie de menace est situé en bas de la zone Kanyosha, à quelques 200 mètres du biron de la zone Kanyosha, se trouva sur la route nationale numéro 3 en destination de la province Rumonge. Un ravin qui prend son origine d'un caniveau qui conduit de l'eau provenant de différentes localités de cette zone. D'un côté, à peu près à une distance de 50 mètres, se trouve l'école, le lycée Étoile des Grands Lacs et le lycée de la convivialité ainsi qu'un cimetière. De l'autre côté, presque à moins de 50 mètres, se trouve une mosquée. Toutes ces infrastructures sont épouvantées par ce ravin. Didier Ngengurutse, préfet des études au lycée Étoile des Grands Lacs, dit que les cours sont actuellement perturbés suite à ce ravin. Pour le moment, nous sommes dans la situation précaire. Ça a évolué petit à petit et voilà, ça arrive à un niveau que je dirais très insupportable. Ça crée aussi une menace, surtout à notre infrastructure, le lycée Étoile des Grands Lacs. Et c'est pour cela que nous lançons un cri d'alarme, et surtout à l'État, qu'il puisse venir en aide et nous apporter un soutien pour la construction du caniveau que vous avez vu là. Les habitants du quartier Guission, proches de ce ravin, affirment avoir de craintes à des maladies qui peuvent surgir suite à l'éboulement du cimetière. Ils demandent aux autorités habilitées de leur venir en aide et protéger les infrastructures qui sont en danger. C'est une situation très dramatique puisque ça croît du jour au lendemain. Vous voyez, il y a déjà des maisons qui ont été écroulées. Quand le gouvernement n'intervient pas, vraiment, ça va arriver trop loin. Lors de la viabilisation, on avait prévu qu'il y aurait une canalisation et cette canalisation n'a pas été faite. L'endroit où le quartier se trouve, c'est un endroit qui accueille de l'eau en provenance des autres quartiers et des montagnes qui combattent le quartier Guissio. Ça venait avec une très grande vitesse. Les conséquences, c'est la population qui perd leurs biens. Là en bas, il y avait une maison. Cette maison s'est écroulée aussi. En plus de cela, vous voyez, à plus de 200 mètres, il y avait des cimetières. Toutes ces tombes ont été écroulées. C'est une situation très dramatique. À ce sujet, contactez l'administrateur de la commune urbaine de Moha, Daniel Kabura, promet de s'exprimer ultérieurement. Merci Ezekiel. Certains habitants œuvrant au quartier Tcharama près du bassin d'écrêtement apprécient les travaux de construction de cette infrastructure. Cependant, ils indiquent qu'en cas de forte pluie, les eaux débordent et causent des dégâts matériels au niveau des habitations et infrastructures routières des environs. Ils demandent que les canalisations soient élargies. Les détails avec Mireille Kanyak. Ce bassin d'écrêtement est érigé entre le quartier Gatunguru de la commune Mutimbuzi et le quartier Tcharama de la zone urbaine de Kinama. En long mur, l'entour, tout près, l'on a trouvé ce mardi des gens en train de curer. La canalisation conduisant l'eau de la rivière Gasegni dans ce bassin, une partie est occupée par de l'eau sale, une autre de la boue. Entre les deux, un poteau électrique y a été érigé. Pour cet homme exerçant habituellement près de ce bassin, les travaux de construction construction de ce bassin sont venues à point nommé, mais hélas, il trouve que l'eau de cette rivière continue à faire des dégâts. 5 mois après la construction, une machine a enlevé le sable, se trouva dans cet endroit. Dès lors, les habitants dans les parages de ce bassin ont vu que l'eau débordait de part et d'autre et causait des dégâts de l'autre côté de la rue dit chez Aprodehache. Les gens pensaient que ce bassin allait ralentir l'allure, mais aujourd'hui, des rues sont impraticables suite à l'eau qui déborde la canalisation faite à cet effet. Pour cet autre, rencontré dans une parcelle de l'avenue Taba du quartier Charama 2, il faudrait l'élargissement des canalisations existantes. À l'avenue Taba, quand l'eau déborde, elle cause des dégâts dans les parcelles. Construit sur un périmètre de 267 mètres et pour atténuer le volume de l'eau de la rivière Gasséni, le bassin d'écrêtement de Charama a une capacité de rétention de 18 000 mètres cubes après les inondations des 13 et 22 avril 2014. Merci Mireille Kanyang. Et pour clore la page environnement, ce sont ces terres domaniales, surtout celles des bords du lac Tanganyika, qui doivent être protégées à tout prix et même recourir aux forces de défense et de sécurité en cas de besoin. Révérien Dikoulié, président du Sénat burundais, l'a déclaré ce lundi à Rumonge lors d'une réunion avec les représentants des différentes couches de la population de Rumonge. Pour les autres terres domaniales, le président du Sénat burundais a demandé aux conseils communaux d'agir. Jean-Pierre Misago, correspondance. Selon Révérien Dikoulié, président du Sénat burundais, la zone tampon s'étendant jusqu'à 150 mètres des rives du lac Tanganyika doit à tout prix être protégée. Ici, le président du Sénat burundais dit que, quel que soit le mode d'acquisition de la parcelle, personne ne peut actuellement y ériger une quelconque construction et les forces de défense et de sécurité seront sollicitées en cas de besoin. Révérien Dikoulié dit que même les éléments de la force de défense burundaise ou de la police nationale seront déployés pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de construction nocturne. Alors que certains participants dans cette réunion voudraient l'intervention du Sénat burundais dans la récupération des terres domaniales actuellement exploitées illégalement par des privés, notamment en commune Burambi, le président du Sénat burundais appelle plutôt les conseils communaux à agir, car, dit-il, ils en ont les prérogatives. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. La Confédération des syndicats du Burundi se dit indignée des licenciements sans préavis des représentants des syndicats des travailleurs de la Brarudi, Gilbert Nyawakila, président de cette confédération, déplore cette situation conflictuelle qui prévaut au sein de cette société, précisant qu'aucun texte législatif n'a été respecté. Ce responsable syndical demande à la Brarudi de sursoir sur cette décision. La rédaction de la radio Isanganiro a tenté de contacter les responsables de la Brarudi, mais sans succès. Certains habitants de la commune de Kirundo vivant dehors du centre urbain n'ont pas encore connu l'avantage de mettre en application les mesures d'hygiène prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Des gens se lavent les mains dans des bassins ou casseroles, d'autres partagent les petits gobelets lors des verres pour prendre de la boisson. Le médecin provincial demande à la population de mettre en application des mesures d'hygiène. Les précisions d'Aboran Safari. Comme nous l'avons vu dans certains bistrots situés en dehors du centre urbain de Kirundo, la plupart n'ont pas encore connu l'avantage de mettre en application les mesures d'hygiène imposées par le gouvernement du Burundi via le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Devant certains bistrots, on trouve des bassins ou des grandes casseroles remplies d'eau avec des petits savons à côté. Pour se laver les mains, les gens mettent des mains dans l'eau. Quelquefois, s'ils sont à deux ou plusieurs, ils se lavent en même temps et l'eau se salit très rapidement. rapidement. Entrer dans ces bistrots, presque tous partagent des petits gobelets de boissons ou de verres sans les faire passer dans l'eau. Nous avons contacté certains pour savoir s'ils sont au courant de la pandémie de coronavirus. Ils nous ont répondu qu'ils ont entendu à travers les radios qu'il s'agit de la maladie des Blancs. D'autres disent que c'est une maladie des citadins de la ville, mais d'autres encore signalent qu'ils sont au courant que la maladie peut attaquer tout le monde sans exception, malgré leur ignorance. Contacté à propos le médecin provincial de la santé à Kirundo pour savoir des stratégies de sensibilisation prises à l'endroit de ces gens de la campagne, il nous a répondu plutôt qu'il faut qu'ils sachent que la maladie se passe rapidement et qu'il faut appliquer convenablement les mesures d'hygiène qui sont mises en place. Il dit également qu'à part le coronavirus, ils peuvent attraper d'autres maladies contagieuses liées au manque d'hygiène, comme la dysenterie bacillaire, les verminoses et d'autres. Il termine en rappelant au chef de colline de veiller à ce que ces cabaretiers mettent en place des systèmes d'hygiène, au cas contraire qu'il faudra prendre des sanctions pouvant arriver à la fermeture des bistrots. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Le reste de l'actualité en bref, y compris la chronique, 25 femmes sur 537 qui se sont fait dépister le cancer du col de l'utérus en 2019 dans le centre de la BOBF avec les lésions précancéreuses. Dans une déclaration de ce mardi, la directrice exécutive de la BOBF, Donavine Ouimana, appelle aux femmes de se faire dépister à temps et demande à l'État et à ses partenaires de renforcer des politiques, des programmes de prévention et de prise en charge des cancers gynécologues. Et le COVID-19, dernier coronavirus découvert en 2019, est la maladie infectieuse respiratoire, selon les explications de Dr Nina Chimilimana, généraliste dans le service des urgences au sein du ministère de la Santé publique. Cette maladie à différents symptômes, dont la fièvre et des maux de tête durant les premiers jours. Elle ajoute que la maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche. Et lorsqu'une personne tousse ou éternue, les personnes âgées et celles ayant des maladies chroniques sont les plus vulnérables de cette maladie. Point final à cette édition de la mi-journée. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Merci également à Innocent qui était de l'autre côté de la cabine technique. Et Lini Ben Ibigla, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.